Guillermo Guiz et son équipe. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, dans la grande tradition des billets où il arrive au chroniqueur une péripétie dont l'auditeur ivre de reconnaissance va pouvoir tirer une belle leçon de vie, il m'est arrivé un truc cette semaine qui, France Inter oblige, a un lien avec le contexte politique local. Uh-huh. Vous verrez, on y viendra. Mais d'abord, péripétie. Alors, je me suis retrouvé en panne de chaudière début de semaine. Plus d'eau chaude. Ah, on s'en fout, c'est l'été. Attends, panne d'eau chaude. Ah, oui. Absolument, panique totale. Quand il s'agit de faire des blagues sur la pédophilie, il y a du monde, mais une fois qu'il faut savoir pourquoi il n'y a plus d'eau chaude dans la chaudière, évidemment, il n'y a plus personne. C'est très calme. Donc là, j'ai sorti la technique désespoir. J'ai éteint, rallumé, éteint, rallumé, éteint, rallumé. Comme si tout d'un coup, après cette fois, la chaudière allait faire. Hein, ah, oui, pourquoi? Désolé, j'étais distraite. C'est quoi encore tu voulais? De l'eau chaude. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de terminer un épisode des revenants là, désolé. Bref, devant tant d'impuissance, j'ai dû appeler un plombier en urgence. Waouh. C'est vrai, j'ai déjà des problèmes d'hygiène quand j'ai de l'eau chaude. Alors, si en plus on m'en prive, je me dis que je vais avoir une maladie médiévale comme Daniel Morin. Il a beaucoup baissé après son scorbut. Donc, j'ai appelé SOS plombier. Là, la dame me donne un rendez-vous dans la journée et par intuition, je lui demande quand même, ça va me coûter combien plus ou moins? Et elle me fait. Oh, je sais pas trop, ça dépend. Oh, ça dépend un peu. Un peu comme quand tu demandes à Nagui combien a payé ta chronique et qu'il te fait. Oh, je sais pas trop, ça dépend un peu. Parce que c'est vraiment si important l'argent. Hein, vraiment. Bref, le plombier passe, adorable. Il regarde ma chaudière, genre 1 minute 30, il dévisse un truc là, puis il me dit ah, bah oui, c'est ça, c'est tout con, c'est vraiment dommage que vous ayez dû m'appeler quoi. Moi, les TVA comprises, ça fait 296 euros. Et je dis ah, ouais, donc on est sur une dynamique de pénétration anale semi-consentie. Enfin, je le dis pas, mais il sent que je suis au bord de l'accident vasculaire, alors magnanime. Il me sort cette phrase mythique, il me dit il faut jamais appeler un plombier en urgence, tout le monde sait ça, moi c'est un truc que je ferais jamais quoi. Ben oui, forcément, pourquoi t'appellerais un plombier d'urgence vu que toi t'es plombier? Ça n'a pas de sens, faudrait vraiment que tu sois passionné par le milieu de la plomberie pour appeler un confrère en urgence, le payer 300 balles histoire de partager ton point de vue sur un serrage de joint. Ça n'a pas de sens. Je t'admets que moi c'est parce que j'étais vraiment en manque d'expertise que je t'ai appelé vraiment. Si je voulais m'offrir la compagnie humaine pour 300 euros, je t'appellerais pas toi quoi. Hein, vraiment. Et je vous laisse compléter cette vanne, c'est bon, c'est bon. Avec la diversité de vos fantasmes dégoûtants. Donc je dis non mais ok, je sais, c'est cher. Ça fait mal, ok, mais bon, j'avais vraiment besoin d'eau chaude pour me doucher. J'essaie de me faire passer la pilule, quoi. Mais lui, c'était un teigneux. Il me dit oui, mais en même temps, il fait chaud en ce moment. Une douche froide, c'est bon pour la circulation sanguine. Donc le mec, il m'abuse, mais avec le sourire, quoi. Mon plombier, c'est Bill Cosby, vraiment. Morale de l'histoire, pour 6 minutes de boulot, je lui ai fait l'équivalent d'un organe vital. Mais le mec a fait une différence dans ma vie. Il y a eu un avant et un après son passage, évidemment. Et oui, j'ai pu prendre une douche et mes potes étaient ravis de pouvoir me parler dans des conditions sanitaires dignes de ce nom. Alors ça, je salue son impact. Et c'est là, en plein milieu de votre sieste, que j'en viens au message politique susmentionné. Cette anecdote de la chaudière, elle s'adresse aux anciens députés PS qui nous écoutent depuis les bureaux de la NPE. Je dis, au lieu d'aller vous reconvertir dans le droit administratif, la consultance ou le marketing, choisissez un métier du concret, plombier ou autre chose. Il y a des tas de jeunes en recherche de sens qui retournent à des métiers traditionnels, comme notamment bourreau, mais pas que. Ça peut être aussi fromager ou tenancier de petite piscine, des trucs vous allez améliorer pour de vrai la vie des concitoyens. Et ça s'adresse aussi aux députés qui vont jouer les presse-boutons à l'Assemblée. Plutôt que d'obéir aux ordres et risquer la perte de sens, remettez vos mandats pour ouvrir un food truck, un salon de coiffure ou une fumerie d'opium. Hein, les gens ont vraiment besoin de ça, en particulier autour de cette table, quand je vous regarde. C'est vrai, non? Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.